100% explicit lyrics. C'est parti pour la nocturne 100% rap français. On est en direct, minuit 12 précisément. Oh là là. Marie. Là, l'équipe. Marie. Salut tout le Marie, monde. Tout de suite, petit compte-rendu du concert de Jul. Ah, c'était énorme, ambiance de fou, c'était génial. Tu étais au concert là, il y a quelques minutes, au Zénith de Paris, qui s'est achevé il y a une heure, même pas. Ouais, c'est ça, bah, j'en reviens directement là. C'était top. On va saluer Mousse. Ouais, coucou Mousse, merci à Mousse d'ailleurs. Ça, c'est la famille. Oui, c'est la bam, famille. Bam. Il nous a mis bien, on va saluer la banane qui est là. Ouais, Vincent est là. Qui est là. Ah, Greg, ça c'est. Le frangin est là, comme d'hab. Et c'est parti pour la nocturne. Alors, je vous le dis tout de suite, voilà, on a commencé le réveillon. Autant vous le dire, on a commencé le réveillon. J'espère que vous aussi, dites-nous. En tout cas, ne prenez pas la voiture ou les véhicules, les scooters, machin et tout. Restez tranquille, 100% rap français. On attaque avec l'invité de Planète Rap cette semaine. C'est Vald, Eurotrap. Oh là là, ça commence bien, yaï. Eh ben. Comment on va faire? On va essayer de faire. La question c'est. Comment on va. C'est quoi ça? Bah, c'est du. C'est je bois jamais de champagne, c'est trop doux pour moi. Merci les amis, mais franchement, jamais de champagne. Attends, non, jamais de champagne. Trop doux, c'est. C'est. Ouais, c'est du jus. Allez, coup d'envoi, la nocturne, 100% rap français, Vald. Il était dans Planète Rap cette semaine, entre 20 et 21. Voici Eurotrap. 100% rap français, Planète Rap. La nocturne. Pour le moment, ça ne vous dit rien. Vous connaissez pas la trappe de Viking encore? On va faire la trappe de Viking, mec. Tellement la pêche quand y'a plus de ce plat dans mes poches. Oh oui, le bose m'explose la tête. Remballez vos cochonneries, je suis grand et petit comme le boson X. J'ai la patte qui colle à cause de Mia Nicole. On ne rigole pas avec mes idoles. Hey, je me branle, je fais du bif, c'est nickel. Je te mange, je te nique, tu te manges. Je le vide, le nez vers les étoiles avant de finir en sauveli. Bitch, te perds pas dans le sevi, moi je suis pour de vrai. Je peux tout le faire, je peux nous refaire. Tu fais pour le sgeg, je fais des commentaires donc tu t'améliores. Je vais ramener l'or, crier Mazel Tov lorsque Vald est sobre. Mazel Tov. J'ai le regard dans le vide comme Joe et Budden. Comme je m'enrichis, je prends de la bedaine. Bosse de méga shit pour que je la reperde. A ma droite le vert, donc à ma gauche le terre. Cartels sont mes repères et la planète accouche de cartels de merde. Ouais mais je m'en fous, je veux juste de quoi perdre la boule dans une sacoche du bled. Vous avez demandé le refrain. Ne quittez pas. Vous avez demandé le refrain. Ne quittez pas. Un conseiller va vous prendre dans quelques minutes. Comment faire du rap sans être dissident, hein? Comment faire du rap sans être dissident, hein? Comment faire du rap sans être dissident? Si c'est trop dividend, j'espère tu niques ta mère pendant que tu chantes. Retire des balais dans le cul. T'as vu mon face, elle se prend du buzz. Maintenant t'arrives super à les études. Moi ça me fait plaisir. Seulement je suis presque parfait, toi t'es sacrément nul. Ta clique de sacré pampu. Qu'est-ce que t'as fait à part aller dans le mur? Le pare-brise en puzzle. Le massacre est précis. J'ai de l'amour et du marron. J'suis incompris comme Eddie Malou. Bitch, un bon prix, puis j'fais des marrants. J'ouvre des portes pour la galanterie. La vie c'est dur, c'est pas demi-molle. Oreille sifflante lorsque je m'isole. Étoile filante lorsque je rigole. Aucun sentiment pourra me frivole. Non, si j'ai pas les armes, je vais manigancer. Vu que t'es quasi pute et puis quasi ambré. C'est l'heure de ta chute sur ma quasi haut. Putain, j'fais du blé, plus ça me fait du bien. Putain, fais du pied, putain, veux du V. Putain, dans lumière, putain, dans le noir. Putain, pète un plomb, putain, dans Uber, putain, au revoir. Comment faire du rap sans être dissident, hein? Comment faire du rap sans être dissident, hein? Comment faire du rap sans être dissident? Si c'est trop dividant, j'espère tu niques ta mère pendant que tu chantes. Dans le club. après le tourné manège, le tout c'est de l'admettre, je pourrais te la mettre, mais y'a un truc qui me retient. Pute, fils de chien, d'où tu te permets, tu ne piges de rien. Sans loyauté, y'aura pas de royauté. J'ai mal aux pieds, pétasse vient m'aborder, regarde-moi barboter, je suis dans l'aquarium. Je te parle comme ton repère, je suis dans ta daronne. Déjà repu avant même le repas, je rappe la repu que Bibi la queufna. Je vis comme un mort et la lettre de mort sur mon kefta. Je sais pas qu'est-ce que t'es là, fais la feignasse devant le chemin des dames, un homme t'es là, fais la, fais là. Je mange des falas, fais-le devant des caméras. Je paierai les faces qui n'ont rien à voir entre elles. Je dédouane des tasses qui n'ont rien à voir entre elles. Je bédave et passe des journées qui n'ont rien à voir entre elles. En fait, je m'emmerde, je crois que c'est ça l'enfer. Comment faire du rap sans être dissident, Comment faire du rap sans être dissident, Comment faire du rap sans être dissident. Si c'est trop dissident, j'espère que tu niques ta mère par ta petite chance. Sur Skyrock. Ce soir, il était au Zénith avec Skyrock. La Team Jules, elle est là. Représente la Team Jules. Malgré la tentative de récup de la Panthère, il était en concert avec Skyrock. Les concerts Skyrock. Voici Monsieur Jules, bravo à lui. Le morceau s'appelle J'ai fumé la ganja. Plus d'appétit, je fais comme je peux, je fume la beuh qui met dans le coma. Coma, coma. J'ai mal. Comment je vais faire? Je vais construire un monde que pour moi. Regarde-les, regarde-les, regarde-les. Ils croient qu'ils me font trembler, trembler, trembler. Ils m'ont plus appelé, appelé, appelé. Je voulais juste les engueuler, engueuler, engueuler. Je plane et je dis des bêtises. Je camberge à tous ces litiges. Je me lève sur les nerfs, j'ai envie de faire des tours. Arrête tes bobards, arrête tes bobards, arrête tes bobards. J'en ai trop là. Dis pas désolé, t'es fier, t'as volé. La poche va te coller, va toucher le bas. Caché vers le coffre, je me suis fait avoir donc je fuck le love. Tu me dis que je suis beau, je te réponds un lol. En restant toi-même, tu as marqué un goal. Ils veulent me tester, je dis oui. Ne me parle pas là, je suis les oui. Je bois mon fort à fraise et kiwi. Ce qu'ils disent, je m'en bats les clés, oui. Ouais, je peux t'en tuer sur quel vol. Tu fais tout le temps ce truc à pas de bol. Tes blagues pétées sont pas de bol. M'a gonflé, faut que je m'envole. Mais fais pas le fou, j'pourrais checker ta dame. Trop m'ont blessé, donc y'a plus d'état d'âme. Envie de meurtre, de faire bibi bobom. Arrête tes bobards, arrête tes bobards, arrête tes bobards. J'en ai trop là. Dis pas désolé, t'es fier, t'as volé. La poche va te coller, va toucher le bas. J'ai fumé ma ganja. J'ai fumé ma ganja. J'ai fumé ma ganja. J'ai fumé ma ganja. Alléluia. Les yeux fermés, j'profite, j'fais un souhait. Tu dis c'est pas ma tête, je l'ai loué. Des fois je restais chez moi quand mes potes jouaient. Eh ouais, le front me glace, je vais lâcher la bouée. Le cœur brisé, laisse-moi nouer. Fais-moi le bisou avant de m'évanouir. Je pense qu'on achète un yacht. Mais les chiens deviennent lionnades. Faut juste éviter les menottes. Je sonnerai à personne la nuit. Sur ma vie je m'emmerde mais je me dis que pire. Je me fais un flash d'alcool. Arrête tes bobards. Arrête tes bobards, arrête tes bobards, j'en ai trop là. Dis pas désolé, t'es fier, t'as volé. La poche va te coller, va toucher le bas. J'ai fumé ma ganja. J'ai fumé ma ganja. J'ai fumé ma ganja. J'ai fumé ma ganja. Arrête tes bobards, arrête tes bobards, arrête tes bobards, j'en ai trop là. Dis pas désolé, t'es fier, t'as volé. La poche va te coller, va toucher le bas. J'ai fumé ma ganja. J'ai fumé ma ganja. J'ai fumé ma ganja. J'ai fumé ma ganja. C'est la nocturne, j'ai fumé ma ganja. Jules, une grosse dédicace à Jules qui a rempli Amnéville, le Galaxy, qui a rempli le Dôme de Marseille, c'était le feu. Le Zénith de Nantes, c'était hier soir. Le Zénith de Paris ce soir. Merci à toi Jules. Et merci Skyrock. Et merci. Et merci. Et... allez le sang. Allez le sang. Allez, quand je t'emmène. Sur Beta Zix, je rentre en boîte, je t'emmerde. T'es comme le rosé, toi tu m'as pris en traite. Je suis le capitaine, je tire les pénaux, les corners. Je suis pas ce qui me retient de mettre des gifles au commerce. Y'a même pas un stade dans mon quartier, j'en veux au merde. Je cache mes yeux, ma bouche, mes oreilles, ouais, je connais l'eau merde. Arrêtez de parler, moi, un peu le camp de vos mères. J'allais en boîte en Twingo, j'étais loin du Maserati. Pourquoi tu me fais le gros, je te le répète, moi je suis pas le king. NX sa mère, on fait bagarre sur le parking. Allez le sang, allez on nique, allez le sang, allez on nique, allez le sang, allez on nique, allez le sang, allez on nique, allez le sang, allez on nique, allez le sang, allez on nique, allez le sang, allez on nique, allez le sang, allez on nique. Bouge ton boule là, je veux pas le goal. Où j't'ai hanché dans ce col. J't'ai chauffé, j't'ai en boucane. Excuse le sang, j'suis trop bucol. Bouge ton boule là, j'veux pas le goal. Où j't'ai hanché dans ce col. J't'ai chauffé, j't'ai en boucane. Excuse le sang, j'suis trop bucol. Tu me fais, j'vais pas te courir derrière. J'en garde ta tête, descends ton derrière. Ouais, qu'est-ce que tu fais, fais gaffe avec ton verre. Tu vas me chauffer, là, sur grand-père. Si un jour j'la crois, j'fais faire le signe de la Rihanna. Cours plus, j'fais plus de sport à part quand ça crie à rat. Allez le sang. Allez le sang, allez le sang, allez le sang, allez le sang, allez le sang, allez le sang, allez le sang, allez le sang, allez le sang, allez le sang. Grosse dédicace à Jules. À Jules, la nocturne, elle est pour toi ce soir, Jules. Yes, 100% rap français. Merci, merci le J. Allez le sang. Planète Rap, 100% rap français. Yeah. Il est où Sébastien? Amène-moi Sébastien. On va lui couper la crête à Sébastien. Viens dans mon tel allié, let's go. Il part de moi, mais je les laisse, gros. Tiens, t'as qu'à dire, je pars la laisse, gros. On va casser fesses, gros. Oh, ouais, je fesse tout. Jamais je dirai, je laisse tout. Oh, le gros, il veut me test. Je débarque dans ta tête. Je fais des tours dans le quartier, c'est mort. Je lève ma main à des traites, je leur dis. Ouais, chaleur. Ouais, chaleur. Ça fait 2 ans que je nique les games. Toi je veux demander comment je m'appelle. Je vous demande une chose, laissez tout Joule tranquille. Car tout va mal dans sa tête. J'en mets un cours d'idée, ouais jamais à sec. Je vois la lune coucher quand je capte sur la A7. Je crée jaloux, m'écoute en cachette. Et au bête ça m'écoute même en cassette. Ouais jaloux, ouais jaloux. Wesh alors ou pas? Wesh alors! L'after officiel de Jules est sur Skyrock ce soir. Il est pas sur la Panthère, tiens. Wesh alors! Ça fait 2 ans que je nique les games, toi je veux demander comment je m'appelle. Je vous demande une chose, laissez tout Jules tranquille car tout va mal dans sa tête. J'en mets à court d'idée, ouais, j'en mets à sec. J'vois la lune coucher quand j'capte sur la A7. Je crée jaloux, m'écoute en cachette. Et au bête, ça m'écoute même en cassette. Ouais, chaleur. Ouais, chaleur. Ouais, chaleur.

Tout touche mais nous tous frais dans le carré vide. Des grosses tailles et des tasses qui arrivent qu'on se vide. Prends le ticket pour entrer si tu veux qu'on t'invite. Pas les coups de savoir qui t'es, je veux que tu la pipes. Une taille, un spliff. Je fais la malade dans le club, oh bla. Encore une taille, y'a la mif. C'est bâtard qui bug, oh bla. Le gars vive avec mes négros. On fait la diff, y'a pas le même niveau. Tu veux check un de mes potos, j'espère que t'es prêt pour qu'il te casse le dos. J'suis dans la zone comme Never. Même gâté se soigner de Paname jusqu'à Chouette. T'as rêvé IP, tu peux pas me louper. Tout est OP comme Never des Never. Une taille, deux tailles, trois tailles. Oh blé, un Mathieu, un champagne, un magnum. Oh blé. Oh blé. Nocturne, 100% rap français, 100% n'importe quoi. Ouais, on est là. Tout à l'heure, une session classique qui arrive. Obla. Mac Taylor aussi qui arrive de retour dans les bacs. Grosse dédicace au grand monsieur du 9-3. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La Nocturne. Le morceau s'appelle Bobo. 100% rap français, Nocturne. Envoyez les messages, le hashtag Skyrock. Ça arrive direct ici. Hashtag la banane, ça arrive direct dans le studio. Ouais, c'est ça, ouais. Ma princesse me soigne mes bobos. Je me sens désarmé sans mes jugos. 9-3 dans le regard du loco. Négro joue pas à la fin jojo. Ils sont 4 dans l'auto. Ah ouais? Moi j'suis tout seul avec mon auto. Transforme la cuisine en labo. Transforme la cuisine en labo. Galette. J'm'en bats les couilles poulet en lambeaux. Oui j'en ai vendu des kilos. Changer le bif en lingot. Audi Elevo. Oui la Audi Elevo. Avec 100 kg de frappe dans le coffre. J'ai pas la vie à Pablo. Pour ramener la coco en cargo. Non mais oh, amigo. Pourquoi tu parles comme ça au bico? T'es sur écoute, Igo. Ça parle de toi au comito. Parce qu'ils sont rien ces fils de là. Ils montent ta photo au petit chez toi. Laissez-moi dans mes biscots. J'ai pris le relais depuis le couille à ma main. J'ai pris le relais depuis le couille à ma main. Moi pour ce genre de michto. J'ai pas besoin de sortir le gamos. C'est elle qui va prendre ton gamos. Pour que je la baisse dans ton gamos. T'es crié dans toutes les toiles. Des remises de peine ton ballon. Tu récidives, tu déconnes. Sous bracelet, tu fais des bracos. Quand tu baisses, tu stiffes la coque. Tu sers même pure fourguette la dope. Tous tes rappeurs sont des fiottes. J'frappe mieux que toi assis sur des chiottes. Y'a trop de choses qui m'empêchent de dodo. Le genre de choses qui se règlent sur la moto. Mac Taylor, la Nocturne. Je ramasse les douches, je ramasse l'oseille. Elles sont toutes bourrées comme sous Hélène. J'aime pas l'amour, j'ai trop la haine. Dans ton regard, je vois de la peine. À mes frérots de Marseille, chef de réseau. À mes frérots de Marseille, chef de réseau. Ma princesse me soigne mes bobos. J'me sens désarmé sans mes jugos. 9-3 dans le regard du loco. Négro joue pas à la fraîche jojo. Ma princesse me soigne mes bobos. J'me sens désarmé sans mes jugos. 9-3 dans le regard du loco. Négro joue pas à la fraîche jojo. C'est la Nocturne, Mac Taylor, le morceau s'appelle Bobo. C'est la street. 100% rap français, DC's qui arrive. On s'en bat les couilles. Grande colère. On est en grande colère ce soir. Juste avant Noël, on est en grande colère. Les messages avec le hashtag Skyrock, le hashtag la Nocturne. Tout va bien pour vous? Dites-nous. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Je suis en grande colère. Les impôts, les huissiers, tous vos confrères. Je suis en grande colère. Les contrôleurs qui se cachent dans le RER. Je suis en grande colère. Tes prix en faute, va falloir que tu payes. Je suis en grande colère. Les radars placés pour se faire de l'oseille. Je suis en grande colère. Les radios, les émissions de merde. Je suis en grande colère. Y'a un fou par jour dans les faits divers. Je suis en grande colère. Les collègues qui balancent pour une promotion. Je suis en grande colère. À la télé, la séquence d'émotion. Je suis en grande colère. Ce genre de public qui fait pas assez de bruit. J'suis pas un de ces rappeurs, tu m'as pris pour qui? Bouge ta race avant que je me vénère. C'est le moment de se mettre en colère. On est en grande colère. Il faut que Jacques défonce des promesses en l'air. J'suis en grande colère. J'ai vraiment envie de casser du verre. De casser du verre. Mais calme-toi, calme-toi. Saute pas, saute pas. Calme-toi, calme-toi. Retiens-toi, retiens-toi. Pourquoi tu m'écoutes? T'es en grande colère, non? Pourquoi tu obéis? T'es en grande colère, non? T'as le mal de ce pays. T'es en grande colère. Grande colère, this is. T'es en grande colère, non? On est en grande colère, non? La nocturne, dans un instant, une grosse dédicace au tonton. Tonton Marcel, Black Ones, Jussi, aussi est là aussi. Le morceau arrive dans la nocturne 100% rap français. On est en grande colère. Prends ce morceau comme un défouloir. J'ai vu tes pensées, y'a tout qui est tout noir. Toujours raté, voilà ce que donne vouloir. Je veux juste pouvoir, je veux pas le pouvoir. Y'a pas l'ombre d'un doute qu'on se fait entuber. Je suis Guadeloupe 1, je suis LKP. Je suis contenu, je suis tétrapacté. Envie de lâcher le frein, envie de déraper. Y'a 2-3 heures, tu pouvais me raisonner. Mais t'étais là, tu me riais au nez. Maintenant c'est plus moi, c'est la colère qui te parle. Elle est au bout de la ligne, je lui ai dit quitte pas. Toi tu me disais, on t'a pas sonné. Pas maintenant, c'est la colère qui frappe. Toi tu me disais, faut pas exagérer. Pas maintenant, c'est la colère qui gagne. J'suis en grande colère. J'suis en grande colère. J'suis en grande colère. J'suis en grande colère. J'suis en grande colère. Grande, grande comme des tueurs. Grande, grande comme des tueurs. J'suis en grande colère. J'suis en grande colère. Explicite lyrics. La nocturne. Alors tonton, t'es à l'écoute tonton? Paris 100% rap français nocturne. JC Capital. Que le soleil se couche au clair de la lune. Je suis Jean Jex. Pousse-nous à bout et mon ghetto t'allume. J'ai dit geste. Motus bouche cousue. Où tu fais la sieste. On se remplit les poches pendant que le commissaire fait la sieste. Dis-leur que je fais mon job, que je viens pour le gâteau. Chez nous on évite les contrôles parce qu'on a toujours des matos. On a traîné dans les quartiers, les cités, les poches. On a tout nié le comique, on n'a pas de preuves. Je dis au parle moi du bien des singes. Je sors des enfers comme Nicolas Cage. Depuis le 7 j'ai charbonné. J'en suis le 9-4 pour la monnaie. Congolais si tu nous reconnais. On fait la pluie et le bouton du rap français. On a les diamants dans les entrailles et les bracelets dans les orteils. À se demander c'est quoi les balles. Le BNF on n'en voit pas la couleur. Le combat est rude ça tout le monde le sait. Mais les rallyes ça pèsera ma douleur. 10 R9 face au coulou 9. Walbeck on selfie sur mon limbe.

grand chien du quartier. J'ai déjà piqué toutes les chiennes enragées. Remonte ton froc quand tu sors du studio. Pantin pour promo, MC Rapallo. Laisse-moi passer. Je suis chiré, je suis foncedé. Et je lui prête mes boules. J'ai le manche. Et c'est ma femme qui roule, même à l'envers. Si tu ne sais pas le faire, mon enfant va naître et le doc en est fier. Si tu veux pécho, viens voir gynéco. Mon grossiste est virgin, achète en kilo. Kilo, kilo, kilo. Tout saigne, ça paye. Ouais, mon papillon! Papillon, on est là! ...100% rap français, planète rap. La nocturne. Les singes viennent de sortir du zoo. Ouais! Ouais! Ouais! Classique dans la nocturne. Rap, rap, rap. Double fuck. Ouais. Dédicace à Caris. Ouais. La pierre plate. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Dans les veines, je n'ai que de la classe. Je veux savoir ce que ça fait de prendre leur place. Je m'entraîne à sourire devant ma classe. La capitale dans le Paris. Tout arrive de Colombie, arrête. Je rappe sale tellement affarié. Que même ces putains de rats attrapent la diarrhée. J'encule Brandon et Dylan. Mon appâne, je veux la palme, je veux la palme, je veux la palme. Je m'en bats les couilles de qui rend l'âme, qui rend l'âme, qui rend l'âme. Je trempe mes cookies dans tes larmes, dans tes larmes, dans tes larmes. Les singes viennent de sortir du zoo, sortir du zoo. Armé comme à l'époque du clos, l'époque du clos. L'ange de la mort dans la peau, dans la peau. Les singes viennent de sortir du zoo, sortir du zoo. Ton cadavre derrière quelques plots. Le sang est plus épais que l'eau, épais que l'eau, épais que l'eau. Armé comme à l'époque du clos, l'époque du clos. Les singes viennent de sortir du zoo, sortir du zoo, sortir du zoo. Craquer mais pas domestiquer, domestiquer. Ma vocation de braquer et de voir me lastiquer. Je te mets en location, t'es maqué, je vais devoir te niquer. T'es en rotation, t'es claqué, faudra m'expliquer. Dans le tal, but du surplus de quelques barrettes, quelques barrettes. Transversale, but du turfu, je la mets en pleine tête. La mets en pleine tête, ta mère la sale, but. Il est trop tard pour Shahed. C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Que le jeu s'arrête. Ça sent la sueur au labo. Des trackers sous le capot. Sans perdre tous les bras gauches. Visé en plein cœur, tous ces raclos. Tous ces raclos. 3 lits, 2 V6. 6, 6, 6, Iblis. Je suis un de ces nègres qui persiste. Et les ténèbres s'éclaircissent. S'éclaircissent. Les singes viennent de sortir du zoo. Sortir du zoo. Armé comme à l'époque du clos. L'époque du clos. L'ange de la mort dans la peau, dans la peau. Les singes viennent de sortir du zoo, sortir du zoo. Ton cadavre derrière quelques plots, quelques plots. Le sang est plus épais que l'eau, épais que l'eau. Armé comme à l'époque du clos, l'époque du clos. Les singes viennent de sortir du zoo, sortir du zoo. Y'a que les ficelles de tes strings qui te soutiennent, qui te soutiennent. J'te baise et les draps s'en souviennent, draps s'en souviennent. Gros bras pour que Katia tout vienne, Katia tout vienne. Me fasse un Rio Gras ou un Tchepoutien. La chambre est assez grande pour plusieurs chaînes, pour plusieurs chaînes. Le torse est assez large pour plusieurs chaînes, pour plusieurs chaînes. Dans le monde des blancs, les billets sont mauves, billets sont mauves. Chez nous, l'animal dominant est un noir chauve, est un noir chauve. Quelques grammes par jour dans le pif, par jour dans le pif. Les hommes mentent, mais pas les chiffres, mais pas les chiffres. Le nom d'un mort tatoué sur la peau, sur la peau. Les singes viennent de sortir du zoo, sortir du zoo. Les singes viennent de sortir du zoo, sortir du zoo, sortir du zoo.

avant que ne sonne le glas. Ou bien ne résonne les pas de celui qui va te mettre au pas. J'suis pas les champions, non, j'suis pas les champions. Y'a boîte sur homme et surtout personne n'a de sérum contre la mort. Alors prends soin des tiens d'abord. Et si tu pises, mec, j't'assure, ne t'éloigne pas du bord. C'est respecte les gens, pas leur genre. Qu'ils pèsent ou non, qu'ils viennent ou non du tchikar. Car c'est fini, le temps où, mon gars, tu pouvais tout contrôler tout, t'as changé surtout. Pose ton gun, mec, sinon c'est 10 ans. Plus la mort d'un homme sur la conscience est pesant. Et puis, si t'as les couilles de tirer, va tirer sur des fourgons blindés. Prends de l'oseille au lieu de jouer avec la vie de famille entière. Fatigué d'aller fleurir les tombes de nos frères tombés sous des rafales de balles. Tu matches comme un champion, tu te prends pour un champion. Le bois t'emballe et te met sous pression. Pose ton gun, sinon c'est 10 ans. 100% rap français. Allez, dans 20 minutes, on tire le store. À moins que vous envoyiez des messages, comme vous voulez. C'est Noël. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Mais puissant comme un fusil d'assaut, aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme, et puissant comme un fusil d'assaut. Mais moi je me sens aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau lourd, comme un char d'assaut. Revoilà le double roux à l'appel du premier rang. Non, on ne cherche plus les champions du monde. Comme un gazonique, dégaine, un clic bombing sur le FN avant qu'il nous faut dans la scène. C'est clair, mec, mais celle-là va lâcher cher. Qu'est-ce que tu peux faire pour aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. J'explose comme une grenade et puis trace comme une balle. Et mon idée à l'homme, je dis ça va faire mal. Fais-moi un flingue d'aide, toi, veux bien ton mal. Tenez-moi pas bien, regardez, je suis un animal. Pour le dire, ma cité de peur d'attraper la gale. Après, on s'étonne que ces jeunes soient brutales. T'es sur la corde. La casse nickel a maté déjà des vipsans. Bayanik Man t'as testé les mauvais traits. Protège ta carotide. Fais gaffe qu'on t'en pas le bête. Les embrouilles vont vite. La situation est creusée. Je me sens aiguisé comme un impuissant. Comme Charles Asson. Les bêtes en face, face, t'as du monde. Je suis aucun DJ ne peut nous tester. J'aime pas les DJ qui prennent vite la grosse tête. 3 ans de carrière et ça se prend déjà pour une vedette. Y'en a qui prennent un rêve pour une réalité. Y'en a qui se croient bon alors qu'ils sont nuls à chier. Laisse-moi te dire, man, tes 4 vérités. Ta carrière est loin d'avoir commencé, qu'elle est déjà terminée. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une femme mes péchants comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau. Chauffé comme une flamme, mes péchants comme un fusil d'assaut. Mais si, non, pas les bras, nique, nique, ragasso, nique, nique, dégaine. Et dédicace ceci à toute la famille de Suprême. Non, pas les bras, nique, nique, ragasso, nique, nique, dégaine. Et dédicace ceci à Joe et Star et Coachella. Follow me the man, watch me the one again. Then the bigger band, follow my kid again. Je n'ai pas les perles, non, je n'ai pas les gènes. Chaque année, tous les mois, tous les amis. Follow me the man, watch me the one again. Then the bigger band, follow my kid again. Je n'ai pas les perles, non, je n'ai pas les gènes. Lâche d'aime de la musique. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau. Chauffé comme une flamme, et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau. Chauffé comme une flamme, et puissant comme un fusil d'assaut. Classique, nocturne 100% rap français classique, Raga Sonic NTM comme une lame, aiguisé comme une lame. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Aiguisé comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil. La planète rap sur Skyrock Nocturne. Voici SPLIFF dans la Nocturne. Le morceau de Big Red, Spliff. C'est 100% rap français, 100% défoncé, 100% Noël. Avec modération comme d'hab. Une dédicace à Roux de Lyon et sa famille. Je pense à vous. Laisse-moi passer, je suis chiré, je suis fonce de Yes Man sur le canapé. Écoutez bien ce morceau. C'est Big Red et Monsieur Roux de Lyon. On pense à vous les gars, c'est la Nocturne classique maintenant. Je marche au vert et rien d'autre pour NTF. Ça fait au moins 15 ans comme des fausses TTIF. Mais rien de tel que pétri au sein de mon fief. On n'a pas tous les jours 20 ans et le temps y'en a pas BSF. Lâche-moi deux packs de beurre, on rattaque moi et mon frère. Qu'on le sera l'atmosphère, s'il y a de la fumée dans la serre. Les traits des vieux moins sévères, sans qu'un sûrement quelque chose derrière. C'est du Loki à la hausse, toujours la même réponse. L'essentiel du bronze, élimine ce que dénonce. Dans le bang avec les trompes de force, nouveau décret j'annonce. Bring bang de l'idée, blang de l'idée, l'anglais. C'est la SP virale, INFERNAL. Moi et mon carnal, fumez nous couplant dalle. Ça apaise notre mal, ça soulage le moral. Abusé tout peut être fatal. Un bon rejou de calme, tu plaignes bancal. Toutes les drogues ne se valent pas question. Léo est dans la maison. Léo est là, Git, il représente le 9. Dédicace Montrouge Bagneux. BGX. BGX. À BGX, il paraît que ça. Ça chauffe le rap à l'ancienne. Il paraît qu'il y a la spliff attitude. Paquet de riz là, crois-moi que c'est pas pour

qui. Moi je suis né ici et mon enfant aussi. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. Doc Gynéco né ici, classique 100% rap français. On va pas tarder à tirer le store parce que demain il y a Noël, demain c'est les fêtes. Encore un petit peu ? Ouais, un petit peu. Ok, encore un petit peu. Restons dans l'amour, toujours de l'amour pour la nocturne 100% rap français. Déjà mes yeux brillent devant une photo de oh Vanessa que je mate à la main. J'ai déjà des remords car je pense à des ventres à ventre à des corps à corps à du va et vient encore, encore. Oh Vanessa, je pense à toi. J'ai les dessous mouillés, mouillés. Je dois me réveiller. Toilette plus lavabo, changement de caleçon, recouché aussitôt. Et je fais dodo. Dans ma tête j'entends résonner la phrase préférée des gamins du quartier. Je veux une tasse payée. Yeah, yeah, yeah. Je veux une tasse payée. Yeah, yeah, yeah. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux pas sortir avec moi? Vanessa, il t'a pris la tête. Big nichon, plan cachichon. La boulette, c'est dans la chaussette. Petit conseil à ma starlette. Je suis un pro, le doc gynéco. Je déroule les slips d'un coup. Puis il roule sur les cuisses et s'enroule comme un Scooby-Doo. Parlons de Scooby-Doo. Même Daphné me fait craquer. Ce n'est qu'un dessin, mais je veux l'animer. Tous les premiers samedis du mois, j'ai les deux mains sous les draps et mon petit coussin pour m'essuyer les doigts. Canal pour actif à minuit, c'est extra. Sur le petit écran, je m'imagine avec Vanessa. Sa bouche fiévreuse, nos étreintes ravageuses, sa langue brûlante et son corps excité. Sa voix haletante bordée d'obscénité. À son fond de gorge et mon sucre d'orge, à ses mains pleines de réactions en chaîne. Moi, je me réveille en sursaut et je veux une tasse payée. Je veux une tasse payée. Ok, stop. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux pas sortir avec moi, Vanessa? Contaminé le soir, je me réveille pour crier. Après avoir rêvé de totale nudité, vaporeuse, humide, suave et chaleureuse, d'expérience sadique, de plaisir maléfique, de détour mordillé, de cambrure et de volupté, pratique sans complexe du sexe, de jambes entrelacées, respiration coordonnée, d'orgie clandestine, d'abstinence brisée, de chair chaude et douce, Vanessa, dans ta bouche mon pouce. Jouissance primaire, jouissance secondaire, tertiaire, quaternaire. Ah, je veux une rat, une seuf, une meuf, mais je veux une tasse payée. Je veux une tasse payée. Yes. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux pas sortir? avec moi, Vanessa. Toi, tu viens là, toi? Tu veux faire la tierce? Dis-moi, quoi tu veux pas? C'est la nocturne, c'est classique, on va pas tarder à tirer le store. Parce que Henri vient de débarquer, Henri jamais. Faut tirer le store quand il est là, lui. Le mec est pas sérieux. Mais juste avant, tiens, c'est pour toi, Henri. Ah, vas-y. Alors, ça me l'a dit. Le morceau s'appelle Ma salope à moi. Je rigole, gros, hein. Beaucoup de ragots qui circulent sur ton dos. Vu des cassettes et j'ai vu des vidéos. T'as fait des saltos dans la cage d'escalier. Y'a écrit ta spé avec ton nom sur mon palier. Mais je te pardonne pour toute la vie, fais-toi fourrer. Si t'as envie, mais l'aime jamais. T'as juré sur ta vie, moi je veux une tasse P. Y'a des tasse P. Dans tous les quartiers. Des meufs grillées. Qu'on a fait tourner. Quoi qu'on dise sur toi, ma salope à moi. Quoi qu'on dise sur toi, je suis love de toi. Quoi qu'on dise sur toi, t'es ma salope à moi. Quoi qu'on dise sur toi, girl, je suis love de toi. Ouais. À toi le frère que je n'ai jamais eu. Et toi la femme qui me fera jamais cocu. N'ouvre pas ta porte, faut pas que je sorte. Les rues sont mortes, la bière est bien trop forte. Y'a aucun salaud qui pourra te souiller. T'es belle comme une doudoune que je viens de dépouiller. Tu me dis la vérité pour mon confort, sécurité. Cet hiver je te donne du sexe. En attendant l'été, c'est pour ça que je dérape et que mon rap sent la fleur. J'ai rangé mon jeu de frappe et ma pince, mon seigneur. Accepter cette prière, elle vient du cœur. Ma tasse poupée. Y'a des tasses P. Dans tous les quartiers. Des meufs grillées. Qu'on a fait tourner. Quoi qu'on dise sur toi, ma salope à moi. Quoi qu'on dise sur toi, j'suis love de toi. Quoi qu'on dise sur toi, ma salope à moi. Quoi qu'on dise sur toi, meuf, j'suis love de toi. Ma tasse, ma tasse, ma tasse, ma tasse poupée. Ma tasse, ma tasse, oui, ma tasse, ma tasse poupée. Trouver de l'amour sur la rue Clignancourt. On peut y aller maintenant. Si t'es camionneur, attends ton tour si ça te fait flipper. D'aimer une tasse P. Tu peux l'échanger, la faire tourner. Mais tu seras goûté, faut respecter. Même les tasse P. Font des pépés. Y'a des tasse P. Dans tous les quartiers. Des meufs grillées. Qu'on a fait tourner. Quoi qu'on dise sur toi, ma salope à moi. Quoi qu'on dise sur toi, de toi. Quoi qu'on dise sur toi, t'es ma salope à moi. Quoi qu'on dise sur toi, meuf, je suis love de toi. T'es ma salope à moi. Je suis love de toi. Ma tasse, ma tasse, ma tasse, ma tasse. Oui, ma tasse, ma tasse. Allez, avant de se quitter, avant de tirer le store, dernier son de Doc Gynéco.

On va dédicacer en tout cas. Merci à vous tous d'avoir veillé tard pour la nocturne. En même temps, c'est les fêtes. Mais merci à vous. Merci Fred. Et merci. Et merci. Merci. Et merci à Fred. Attends, alors, dans le... par ordre d'apparition, Nora. Hop, oh, je l'aime, le papy Kaira. Le papy Kaira. Merci, merci. Marie. Ouais, non, ça va résolution, merci. Henri. Ouais, merci. Ouais. Merci. Et merci. Ça, c'est un mec sérieux, ça, Henri. Merci. Dédicace, Henri. Joule, représente. Joule. Merci, merci, merci, Fred. Merci, tout le monde. Tu veux dédicacer Koé aussi? Non. Non. Mais moi, je tiens à dire, après le dôme de Marseille, mais blague, attends, pas de problème. T'inquiète pas, on est tous. La radio est une grande famille. Et grosse dédicace à la team Believe Musicast, voilà. À Fred et à Bardis. Bardis, mon gars, on t'écoute, on est là. Ce mec-là s'appelle Mousse. Grosse dédicace à Mousse. Dédicace à Greg qui était là, à la famille. Bonne soirée à tous, bonne fête et vive Def Jam. Anthony, il va faire une dédicace, gros. Bah, dédicace à moi-même, à Sky. À tout le monde, à Fred. Allez, ok, les morts. Dédicace à Léo qui était là ce soir. De joyeuses fêtes à tout le monde, voilà. Et une petite pensée à tous les gens qui sont enfermés. Exactement. Et aux gens hospitalisés. Pardon, j'ai envoyé une jingle sur ta gueule, vas-y, on commence, gros. Ouais, je voulais faire juste une petite dédicace à tous les gens enfermés qui nous écoutent et à tous les gens hospitalisés qui se rétablissent bien. Et bonne fête à tous. Léo, la voix de la raison, merci. Alors la banane, ramène-toi. On est là. Dédicace à quoi? Le Vésiné, 7-8. Ok, c'est pour dire ça, tu sors. On est là. Anaïs, la famille. Pose ton gun, bad boy, avant qu'il y ait mal donne. Et merci, Greg de Bure, hein. Et merci, hein. Et merci, hein. Merci, Mousse. Merci pour le champagne. Ça, c'est la famille, ça. C'est le mec qui réalise Planète Rap. Un fois, bah tiens, monstre. Tu la connais. C'est un monstre, il est là. Heureusement, il est là. Il est là, il représente la nocturne. Un bisou à la, reine. Ah, et la reine, trop fort. Et une pensée pour Momo. Ouais, ah, c'est pour Momo. Momo, pense à toi. Momo, Momo, on t'aime. C'était peut-être la dernière émission en ce qui me concerne. Peut-être qu'en 2017, je me ferai virer. Peu importe. En tout cas, merci à vous tous d'avoir veillé tard pour la nocturne. Merci à vos messages. C'est donc fini. On était en direct 2h11. Il est grand temps d'aller. Et non, mais là, on rentre. Hein, c'est fini. Quoi? Et chérie, je rentre bientôt. Ouais, bah attends, chérie, elle est calme. Ouais, elle a rien à foutre. Elle est en soirée, changiste. La team Joujoujoule. Hey, merci à tous ceux qui sont venus pour la tournée. Ouais. C'était lourd. Et merci encore à Fred et à toute l'équipe de Sky. Merci Moussa, en tout cas merci. La team de et Musicas, beau boulot. Bravo à Jules, franchement. Le mec a tout défoncé depuis quelques années. Il a tout défoncé. Et sur scène, le mec a fait que 4 dates. T'as l'impression qu'il en a fait 120. Ouais, c'est ça. Donc bravo à Jules, bravo, franchement. Une tournée d'OVNI. Allez, on remballe. Et elle est pour toi. Allez, remballez. Chut, chut. Allez, hop, hop, hop, hop. Non ! Fred Antenne ! Papy Kaira est toujours dans la place. C'était ma dernière émission. Ciao.